Aujourd'hui, Affaires Sensibles se met à table auprès de deux illustres goûteurs et marcheurs de notre pays, Henri Gault et Christian Millau, les fameux Gault et Millau, qui durant des années ont fait découvrir aux Français les restaurants dont il fallait, selon eux, pousser la porte. Un jour d'octobre 1973, ils donnent un nom à un mouvement dont ils sont les chroniqueurs, la nouvelle cuisine française. C'est l'histoire de cette révolution de palais que nous allons vous conter aujourd'hui. Si de la nouvelle vague au cinéma nous retenons les noms des réalisateurs comme Godard, Chabrol ou Truffaut, nous oublions souvent ceux de leurs producteurs mécènes comme Georges de Beauregard par exemple. Eh bien, Gault et Millau sont un peu les témoins oubliés de ce qu'on appelle la nouvelle cuisine qu'ont entrepris certains chefs indépendants et libres en cherchant à inscrire leur art dans leur époque. Dans les assiettes de ces chefs, on observe un monde, celui des Trente Glorieuses, de la révolution des transports et des corps, des inspirations écologiques et diététiques, du goût et de la nature. Comme la jeunesse de 68 qui a dit au revoir au général, cette nouvelle génération de chefs a laissé de côté les recettes de la gastronomie de papa. Alors, comment ont-ils fait? Quelles ont été les étapes de cette émancipation? Et quelles sont les caractéristiques de cette révolution gustative? En seconde partie, nous recevrons François-Régis Gaudry, journaliste critique gastronomique et producteur de l'émission On va déguster chaque dimanche de 11h à midi sur cette antenne. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Laure Grand-Besançon. Programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Antoine Gomez. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Dans l'esprit de beaucoup, Gault et Millau ne font qu'un. Et pourtant, ce sont bien deux personnes au caractère et aux vies opposées. Henri et Christian n'étaient d'accord sur rien, à part sur un sujet, la cuisine. Sont-ils des gastronomes? Non. Ce terme est l'invention d'un pédant qui rêvait de se faire prendre au sérieux, selon la formule de Christian Millau. Gourmet alors? Non, plutôt gourmand, car le gourmet, lui, a l'esprit et la bouche en cul de poule. Qui sont-ils alors, ces Gault et Millau, ces inlassables voyageurs qui, à pied, en avion, en train, ont parcouru les restaurants de France et du monde entier? Dès le début des années 60, ils ont pour métier celui de manger, goûter et noter leurs impressions pour les pages d'un journal, puis pour leur propre guide. Rarement, ils partagent une table, sauf quelques fois dans l'année pour se rassurer sur la compatibilité de leur palais. À l'inverse des critiques officiant pour le plus célèbre des guides, l'autre, le Michelin, jamais ils ne choisissent des prête-noms pour réserver une table. Une fois, oui, une seule fois, doutant de la critique de l'autre compère, Christian Millau tente de jouer la comédie au restaurant Maxim's. Il se déguise en parfait anglais, chapeau melon et Times sous le bras. Mais quand vient la soupe, sa moustache tombe dans le potage. Il termine son plat, puis file à l'anglaise. Oh, d'ailleurs, pourquoi se grimer? Peut-on changer une carte en une heure? Gault et Millau savent que ce n'est pas possible. Alors, pendant des années, chaque midi et parfois le soir, chacun de leur côté, ils choisissent un restaurant pour y découvrir et juger les plats des chefs. Christian Millau y est souvent accompagné de son chien, Valentin. Henri Gault, lui, c'est plutôt son paquet de cigarettes qu'il invite à sa table. En 1970, accompagné de la télévision, il débarque à Marseille. Carnet à la main, il flâne dans les rues, demande des informations sur la charcuterie chez un boucher, découvre une spécialité, puis s'aventure dans le restaurant Maurice Prince, Maître Provence. Bonjour, monsieur, je peux déjeuner? Oui, vous connaissez le restaurant? Oui, enfin, j'ai entendu parler, mais... Mais je vais vous présenter le menu, si vous voulez entendre. Merci beaucoup. Dans la salle de réception, vide, située à l'étage avec vue sur le Vieux-Port, Gault s'attable avec un ami. La décoration est, disons, classique. Au mur, des casseroles suspendues et des tableaux, il y a un feu où attendent deux broches. Le mobilier est en bois, sans nappe. Sur le menu, de belles écritures en majuscules qui s'étalent sur un feuillet complet. Durée du repas, 2 heures minimum. Bon, c'est une pote 9 en d'heure, d'un poisson grillé. Aujourd'hui, ça sort de la sole, vu le temps qu'il fait d'ailleurs. Des légumes qui sont les artichauts à la Bérigoune, de la rôti qui sera du poulet, salade, fromage, et si dessert. Bien entendu, il faut aimer l'huile d'olive. Oui, bon. Ça dure 2 heures, si on veut pas, si on... Je vous le dis, si vous n'avez pas à le faire, c'est facile. Et si j'aime pas tout, si j'ai plus faim, qu'est-ce qui se passe? Je vous avertis. Vous avez fait un trop gros repas. Bon, si, en tout cas. Moi, j'ai un bon appétit. J'espère que ça ira, mais je sais pas si tout le monde peut le faire. Tout est millimétré, ordonné, calculé. La farandole de hors d'œuvre commence par une huile gelée accompagnée de pain. Suivent ensuite une tapenade, j'imagine, tartine de poutarde et du martigue, poupriume aux pommes d'amour, quiche aux anchois, c'était juste pour s'amuser. Arrivent ensuite les plats. Un poisson avec ses artichauts berigoulots et un gibier pintado à la broche avec sa salade. Rien que ça. À la fin de chaque dégustation, Henrigot prend son stylo et d'une écriture fine note ses remarques sur le menu. Si la cuisine permet souvent de voyager à travers les continents, ici c'est vers les temps anciens que le client est emporté, les temps d'Escoffier. Roi des cuisiniers, cuisinier des rois, Auguste Escoffier est le père de nombreuses recettes qui depuis leur création restent inscrites comme dans du marbre dans de nombreux restaurants. Pour cela, ne vous limitez ni en beurre ni en crème. Constituez chaque sauce à l'aide d'un roux, c'est-à-dire un mélange de farine et de matière grasse. Enfin, dernier adage, un temps de cuisson long est la clé de chaque grand plat. Cette cuisine traditionnelle, sclérosée et datée, n'est ni du goût de Gault, ni celui de Millot. Depuis qu'ils marient leurs fourchettes et leurs plumes, ces deux-là sont attirés par une cuisine plus moderne, sans dogme, sans roi, ni cour. Ils ne sont ni d'anciens cuisiniers, ni d'anciens propriétaires d'établissements, mais grâce à leurs articles, magazines et guides, ils deviennent des compagnons d'une révolution, celle dite de la nouvelle cuisine, dont ils couronneront les chefs, non d'étoiles, mais de top. Né en 1929, Henrigot, comme Christian Hyot d'ailleurs, a pour souvenir d'adolescence les uniformes de soldats allemands, le portrait du maréchal et les tickets de rationnement. Au lendemain de la libération, en pleine reconstruction, les Français ont la fringale, celle de la vie et de la cuisine. À 20 ans, Christian Hyot se rêve journaliste. Il débarque au siège du journal Le Monde, avec sous le bras quelques articles sur la Yougoslavie de Tito. Oh, rien d'exceptionnel, mais on garde le jeune homme pour qu'il fasse ses armes. Pendant ce temps, Henrigot abandonne ses études de médecine pour s'envoler vers l'Afrique anglaise, dont son estomac garde un souvenir douloureux. Quand Gault est de retour en France, Millot, lui, est viré du journal du Berbeuf-Méry à la suite d'une maladresse. Une erreur dans le nom d'un candidat d'une élection, un certain François Mitterrand, auquel il avait oublié un R lors de la publication des résultats dans le journal. Qu'importe, Millot n'avait ni la méthode, ni le tempérament de ce journal prestigieux et rigoureux. Il rebondit à Opéra, une revue littéraire dirigée par Roger Limier. Auprès de lui, il devient un hussard de la bande Limier. Il écrit avec elle, découvre le monde de la culture, des lettres et des débats. Dans un joyeux foutoir, les conférences de rédaction se déroulent souvent à la va-vite, dans des cages d'escalier. Quand le journal disparaît, Millot suit Limier jusqu'au jour où il entre à Paris Presse. C'est dans cette rédaction qu'il rencontre Henrigot. Dans ce journal qui voulait concurrencer François, Millot est nommé rédacteur en chef adjoint et se charge des pages magazine du journal. Gault, lui, s'occupe chaque jour d'une séquence intitulée « La photo parlante ». L'un comme l'autre sont bien loin des plaisirs de la table. Si la civilisation des loisirs pointe doucement son nez, les journaux hésitent encore à ouvrir leurs colonnes à ses plaisirs. La télévision, elle, symbole de la société de consommation en marche, lui ouvre ses portes dès 1953 avec l'instauration d'un rendez-vous hebdomadaire, art et magie de la table. Pour ce rendez-vous, les directeurs de l'ORTF confient la présentation à Catherine Langer et demandent à Raymond Olivier, inconnu du grand public mais qui vient d'obtenir une troisième étoile au Michelin, d'assurer son rôle, le rôle de chef. 6, 7, 8... Écoutez, Raymond, mais c'est affolant, tout ce qu'il y a pour faire cette recette. Ah, mais c'est une recette de jour de fête, Catherine. 15, bonsoir. C'est vrai. Et ça s'est bien passé le début des vacances, oui. On s'est quitté le premier roux, là. Oui. Ça n'a pas l'air de beaucoup parler de vacances. Non, mais sérieusement, il va nous falloir... Qu'est-ce que c'est que ça, d'ailleurs? Alors... Ça, c'est quoi? Ça, le précitron, là, petit précitron en soupe. Non, ah non, ça, c'est des pieds de veau. En fait, c'est de un pied de poulet, veau. Du poulet, du veau, encore d'autres c'est veaux. Ça. Alors, voyez-vous. Champignons, des œufs, puis même un bouquet de violettes. Oui, ça, c'était inutile en ce qui concernait la recette. En fait, c'est d'ailleurs, là, voyez-vous, un pied de veau qui a été désossé et blanchi. Ça s'appelle comment, la recette? Alors, c'est une fricassée de volaille froide. C'est la fricassée qui est froide ou la c'est volaille? C'est la fricassée qui est froide. Chaque semaine, grâce à la télé, la gastronomie se démocratise. Ici, point de serveur ou de grand buffet, mais des recettes simples et goûteuses, avec quelques éléments que chaque Français peut acheter au marché. Avec art et magie à table, la profession connaît sa première star, et la cuisine, sa première révolution. Cela peut paraître incroyable aujourd'hui, mais à l'époque, le chef n'est souvent qu'un domestique. Enfermé au sous-sol dans la chaleur des fours, il est la personne dont on déguste les plats, mais dont on ne connaît ni le nom, ni le visage. La respectabilité et les honneurs vont encore pour l'heure aux propriétaires des lieux et aux gens de la salle. Comme quelques autres, Raymond Olivier, lui, est un chef propriétaire de son établissement. Ainsi, est-il libre de présenter à la carte ses propres recettes. Et peu à peu, à côté des propositions classiques, ses clients découvrent des plats personnels loin des dogmes de la cuisine d'hier. En plus de l'émission télévisée et des étoiles conservées, Raymond Olivier publie de nombreux livres qui deviennent des succès en librairie. À l'image du monde qui s'accélère, en plus de cette activité débordante, il fait le tour de la planète et rapporte de ses voyages des souvenirs culinaires qu'il intègre ensuite à sa création. Le monde rétrécit, les Français s'amusent, dansent, découvrent les week-ends, mais dans la presse, on hésite encore à ouvrir des pages à la gastronomie et aux loisirs. L'un des premiers journaux à se laisser tenter est Paris Presse. Mais comment en a-t-il l'idée ? Eh bien, par un concours de circonstances, comme le raconte Christian Millot en 2010 dans l'émission À Voix Nue de France Culture. Rédacteur en chef Pierre Charpie me dit un jour, écoute, c'est embêtant, qu'est-ce qu'on va faire avec Henri ? Alors là-dessus, je lui dis, écoute, est-ce que la bonne idée, ce serait pas de lui demander ce qu'il a envie de faire ? C'est vrai, c'est des choses qu'on oublie. Hein ? Vous, vous faites ça, mais on ne dit pas, tiens, qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? Et Henri dit, moi, ce que je veux, c'est me balader, puis aller, on pourrait faire quelque chose, raconter les environs de Paris, puis je ferai un restaurant, et puis un machin comme ça. Alors, je dis, ben voilà. Et puis, il a fait ça, et ça a eu tout de suite du succès. C'était une page quotidienne qui n'était pas seulement sur les restaurants, hein, c'était... sur les artisans, c'était très amusant à faire. Tout ce dont la presse ne parlait pas. Ça pouvait être couturier, ça pouvait être... Voilà, c'était toutes les bonnes adresses de Paris. Et c'est ainsi qu'Henri Gault prend le titre de paresseux guidant d'autres paresseux. Au programme de ses journées, promenades, rencontres, déjeuners, puis enfin un peu d'écriture. Dès sa première publication dans les colonnes du journal, les lecteurs en redemandent. Peu à peu, Christian Millot abandonne aussi les pages des faits divers et des valeurs pour celles de l'oisiveté et du bonheur. Très vite, la page hebdomadaire devient quotidienne. Journalistes gourmands, ils deviennent, sans s'en rendre compte, des faiseurs de rois. Tels les critiques d'art qui peuvent vider un théâtre avec un mauvais article, Gault et Millot découvrent qu'ils peuvent également remplir un restaurant du jour au lendemain. Si bien que parfois, elles en jouent. Notamment Henri, qui se prend de compassion pour un vieux couple de restaurateurs endettés dont la cuisine est certes bonne, enfin, loin d'être extraordinaire. Dans son article, Gault fait toutefois de cet établissement un monument en péril. Dès le lendemain, on y fait la queue jusqu'au bout de la rue. La cuisine est aussi une histoire d'amitié et la critique, un vrai pouvoir. En 1963, Henri Gault rassemble ses chroniques dans un livre intitulé « Sans grande imagination, à boire et à manger », édité chez Julliard. L'ouvrage devient l'un des succès de l'année. L'appétit des Français grandit aussi vite que les jupes raccourcissent. Et tout le monde se met à table. La presse salue l'ouvrage et le ton de l'auteur, bien loin de la critique gastronomique traditionnelle dont ce ton fleuri, pompeux et indulgent. Et toc. Sous la plume de Gault, en effet, le propos est libre, mordant et sans concession, comme il l'explique lui-même dans l'émission « Lecture pour tous ». Moi qui étais nouveau dans cette branche de la critique, j'ai eu plus de liberté. J'ai fait peut-être beaucoup plus d'erreurs qu'eux, mais je crois que j'ai en tout cas... c'est ça que j'ai en quelque sorte inventé. J'ai inventé de dire du mal des restaurants que je trouvais mauvais. Mais quand vous dites, je parle tel restaurant qui est connu pour sa choucroute, on dit que cette choucroute est vraiment absolument infecte. Vous n'avez pas eu de réaction depuis Si, mais là encore, j'ai été. J'aurais très bien pu dire que la choucroute était mauvaise, mais que, ou le contraire. L'idée de la choucroute était bonne dans cet endroit, oui, par exemple. Oui, d'ailleurs, c'est un endroit où on va pour sa choucroute. Oui. Tout le monde sait qu'elle n'est pas bonne, mais on y va quand même parce qu'elle entre dans le cadre. Oui. C'est une énorme choucroute, cet endroit-là. À la suite de ce premier succès d'édition, on propose à Henri Gault d'écrire un tome 2, classique. Sauf que Gault hésite. Un tome 2, oui, pourquoi faire ? Il en parle à Christian Millot, lui, fourmille d'idées, dont une, celle d'un guide de Paris avec un ton journalistique, une escapade dans les rues de la capitale à la découverte des artisans de bouche et des boutiques. L'éditeur accepte. Go et Mio deviennent alors partenaires, fiancés même. Cette vie à deux, elle commence lors d'un rendez-vous dans un bistrot auvergnat à l'Artois. Go et Mio commandent les mêmes plats, puis notent leurs remarques chacun de leur côté. À la fin du repas, ils les comparent, et bien tout est identique. Vivent les mariés, ils ne se quitteront plus pendant plus de 20 ans. Chaque jour, ils essaient 1, 2, 3 restaurants. Ils marchent, croquent, boivent, puis griffonnent en sens ou flingue. Si les papiers sont appréciés par les lecteurs, ce n'est pas toujours le cas des chefs, bien sûr, et des propriétaires des établissements, car la critique culinaire quotidienne peut être cruelle. Un mauvais papier dans un journal peut faire chuter définitivement un établissement déjà fragile. Peu importe, si le lecteur est content. En 1963, ils publient leur premier guide commun, le guide Julliard de Paris par Henri Gault et Christian Millot. Premier essai, premier succès auprès des lecteurs. Mais pour les chefs, ce qui compte toujours, c'est l'avis du Michelin. Et durant ces années, même si le guide laisse une place prépondérante à la cuisine traditionnelle, il honore quelques chefs prometteurs. Parmi ces nouveaux, dans la cour des grands, peut noter la présence de Paul Bocuse, qui obtient en 1966 sa troisième étoile. 2 ans plus tard, quelques semaines avant que les rues de la capitale ne s'embrasent, à Rouen, ce sont les frères Troisgros qui obtiennent également le titre suprême. Chaque année donc, le Michelin couronne et destitue, puis se tait jusqu'au prochain jugement. Go et Mio, eux, n'ont pas encore lancé leur propre guide annuel. Et à l'inverse du Michelin, ils sont bavards, très bavards. Les Français les lisent dans la presse, les écoutent à la radio, puis les voient de plus en plus souvent à la télé. En 1969, c'est dans la cuisine de Castel qu'ils rigolent et font la popote en compagnie de Jacques Martin. Je vais faire cuire al dente. C'est du jus de poisson. Nous avons préparé tout à l'heure une farce dans laquelle il entre du foie gras, les foies de la volaille, de la quenelle de volaille, des œufs, du kérès, des truffes. Et ayant dedans de la crème, des œufs, du sucre, de la vanille. De moutarde, comme rien. Non, pas de moutarde encore. Non, au dernier moment, on va le servir. Ça demande 2 heures, mais il faut être attentif. À la table de ces festivités, de jolies femmes de Paris et 6 chefs étoilés, dont Paul Bocuse. Un jour d'ailleurs, il sert une salade simple de haricots verts tièdes. Pour Millot, c'est une révélation. Il qualifie le plat d'ode à la nature. Comme le Michelin, Go et Millot ont leurs favoris qu'ils font sortir de leur cuisine pour voyager, rencontrer, débattre. Durant ces années, il crée une bande d'amis, une sorte de salut les copains des fourneaux, où l'on retrouve des connaisseurs des plaisirs de la table, ainsi que des jeunes chefs prometteurs tels que les frères Troisgros, Michel Guérard, Alain Chapelle ou Alain Ducasse. En 1969, alors que le général quitte l'Élysée, Go et Millot partent de Paris Presse, puis de la maison d'édition Julliard. Car ils ouvrent leur propre boutique, un magazine, le nouveau guide Go et Millot. 3 ans plus tard, ils publient leur premier guide annuel. Alors, feront-ils de l'ombre au Michelin ? Quelle cuisine mettront-ils en avant ? Autrefois, pour faire sa cour, parler d'amour, pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scotaire, un atomiseur et du vin lobilo. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des belles à gâteaux. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à bouffe, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et l'on se garde tout. Gudule. Excuse-toi. Ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon sirop d'audace, mon repas sur les masses, mon tabouret à glace et mon chausson filou. Le mois de mars, c'est devenu le mois des récompenses ou aussi des désillusions pour les chefs de cuisine français. Deux grands guides, le Michelin et le Kléber, sont en vente depuis ce matin en librairie. Deux autres, l'Autojournal et le Goemio, vont sortir très prochainement. Dans l'ensemble, les guides sont bien faits. Vous n'êtes pas mécontent des guides ? Moi, personnellement, non, je n'y suis pas. Comment vous n'y êtes pas ? Vous êtes bien sur le Kléber cette année ? Ah, je l'ignore. C'est vous qui me l'apprenez. Vous ne savez pas que vous venez d'obtenir une marmite couronnée ? Ah non, non, ça je vous assure que non. Ça je vous assure que, je l'ignorais que vous me l'apprenez. Ça fait plaisir, vous voyez. Ça vient un peu tard pour moi, mais remarquez, mieux vaut tard que jamais. Ça fait plaisir. Et Sanglio, comment travaillez-vous pour réaliser ce guide ? Nous sommes tous les deux, nous nous partageons le travail, nous sortons énormément, nous allons peut-être tous les deux 20 fois par semaine au restaurant. Les restaurateurs vous connaissent, ils font un effort le jour où ils vous voient. Il nous arrive, bien entendu, d'être reconnus. Parfois, il y a des petits mouvements. On regarde le chef comme ça, il regarde du coin de l'œil. Quelquefois, il s'approche de nous, quelquefois, il ne le fait pas. Mais nous sommes reconnus. Bon, très bien. Alors là, je peux vous assurer qu'il est matériellement impossible de faire une meilleure cuisine pour l'un que pour l'autre. Si vous n'avez pas commandé la veille ou l'avant-veille, ce que nous ne faisons jamais, bien entendu, lorsque vous arrivez à 1h moins le quart et que à 1h, on vous sert le premier plat, ce qui est le cas normal dans un restaurant, eh bien, le chef, même s'il avait envie de faire une autre recette, eh bien, il ne pourrait pas le faire. Étoiles, marmite et toque, trois récompenses pour trois guides, le Michelin, le Kléber et désormais le Goemio. Et c'est comme ça depuis que les deux compères ont quitté la maison mère Julliard pour éditer leur propre guide. Il n'y a pour l'heure ni titre de meilleur chef de l'année, ni quatrième toc, mais quatre échelons. 0, 1, 2 ou 3 tocs. La plus haute distinction équivaut à une note entre 17 et 19 sur 20. En dessous de 10, le restaurateur n'a pas les honneurs d'être dans le guide. Contre les mots et les impressions de Goemio, certains chefs iront jusqu'au procès, dont celui qui est reçu comme critique. Le patron mange ici, précise une pancarte, c'est qu'il possède un estomac galvanisé. Il réclama 10 000 francs de dommages et intérêts à messieurs Goemio, il ne reçut rien. En 1973, pour la seconde année du guide, Goemio célèbre Bocuse, les frères Verlin et Trois Gros. Cette édition fait aussi réagir certains critiques des grands quotidiens. Robert Courtine, par exemple, journaliste au Monde, qui après avoir regretté l'absence de certains restaurants dans la sélection, conclut son article sur le guide par ces mots. « Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, décidément. » Forcément, qui dit changement dit aussi gardien du temple. À l'ombre des grands restaurants, petit à petit, certains chefs brisent pourtant le dogme des grands menus pour imaginer une cuisine à l'image de la société et du monde. Fini les cuissons longues, les aliments baignant dans la sauce, trop cuits, trop mélangés. Ils s'élèvent contre la cuisine trop grasse et trop crémeuse. De plus, les chefs s'essayent à de nouveaux outils comme les micro-ondes ou la rôtissoire automatique. Les cartes changent, les assiettes évoluent. Bien. Mais toute révolution a besoin de son 14 juillet. Et c'est dans les bureaux de Goemio qu'on imagine cette prise de la Bastille. Tout se passe un jour d'octobre 1973. Ce jour-là, Henri Gaud débarque en fin de matinée dans les bureaux du guide situé sur le faubourg Saint-Antoine. Christian Millau est là depuis plusieurs heures, à la tâche, comme d'habitude. Les bureaux sont à l'image de ces deux hommes et de leur vie. Rien n'est rangé, mais tout déborde de vie. Pour trouver un peu de place, il faut déplacer une pile de journaux et de livres, vider le cendrier, laver les verres vides de la discussion de la veille. Gaud semble heureux. Il se dirige tout droit vers Christian et jette sur la table un feuillet d'une page, puis s'écrit « Voici nos 10 commandements. 1. Tu ne cuiras pas trop. 2. Tu utiliseras des produits frais et de qualité. 3. Tu allégeras ta carte. » Alors on en passe quelques-uns, on arrive à 6. Tu éviteras maridade, faisandage, fermentation. 7. Tu élimineras les sauces riches. 10. Tu seras inventif. Enthousiaste, Mio écoute, valide chaque mot, mais il ajoute son titre. Simple, efficace, vive la nouvelle cuisine française. pour Goemio, désormais, il y a la cuisine du passé et celle de l'avenir. 3 ans après, en 1976, Bernard Pivot les invite, ainsi que leurs favoris et les mandarins de la grande cuisine, et tout ce beau monde vient débattre dans l'émission apostrophe. Bonsoir à tous. Il y a eu la nouvelle vague, le nouveau roman, le cinéma nuovo. Il y a maintenant le nouveau contrat social, la nouvelle gauche, la nouvelle action française. Il y a aussi le nouvel observateur, le nouvel économiste, le nouveau Créteil, etc. On dit même que depuis la fin de l'ORTF, il y a la nouvelle télévision. Et puis voici la nouvelle cuisine française. Bernard Pivot, inspiré, accueille ses hôtes du soir dans la salle somptueuse du restaurant Train Bleu, situé à la gare de Lyon. Autour de la table, chacun est venu avec son livre. Paul Bocuse présente la cuisine du marché. Le chef Gaston Lenôtre vient de publier « Faites la pâtisserie comme le nôtre » et le critique du Monde Robert Courtine a apporté son cahier des recettes de Madame Maigret. Quant à Goemio, c'est le guide 1976 qu'ils viennent d'éditer et qu'ils apportent. Bernard Pivot les salue, puis il s'interroge. La nouvelle cuisine, qu'est-ce que c'est? Christian Millot lui répond. Alors, on en arrive au plat de résistance, c'est-à-dire, existe-t-il une nouvelle cuisine française? Dans votre guide, Goemio, vous ne cessez de parler de nouvelle cuisine française. Alors, voulez-vous nous expliquer ce que c'est que la nouvelle cuisine française? Bah, vous voyez, tout à l'heure, en regardant ces tableaux qui nous amusent, mais qui nous amusent, il faut bien le dire, un peu au second degré, ils ont créé un style. C'est ce qu'on appelle le style pompier. Ça n'est pas déplaisant, c'est très bien fait, c'est de la très belle peinture à l'huile. Et en matière de cuisine, il y a depuis cette cuisine de cour, la cuisine française est née avec les rois, enfin la cuisine de restaurant en tout cas, extraordinairement compliquée, très belle à l'œil, dans la mesure où on avait les ingrédients et le temps pour la faire et l'argent pour l'acheter. Et puis au 19e siècle, cette cuisine s'est développée. Elle a été accaparée par la bourgeoisie et cette cuisine très opulente n'a cessé de se ridiculiser, de se travestir elle-même et souvent de se copier. Alors, bien sûr, quand elle est réussie, c'est merveilleux, mais fait par des gens qui n'ont pas toujours un talent extraordinaire, qui n'ont pas les produits, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la clientèle, ça devient une cuisine insupportable. Et cette grande cuisine française avec un grand G, un grand C, un grand F, est devenue au fil des ans un peu la caricature d'elle-même. De l'autre côté de la table, l'autre monde est sceptique et grincheux. Robert Courtine pense que tout cela n'est en rien de nouveauté, mais de la publicité. Enfin, les chefs sont libres, la cuisine change chaque jour, elle n'est ni nouvelle ni ancienne, non, elle suit sa route, elle a un plat qui cuit, voilà. Bon, Goemio reste poli, notamment auprès des chefs invités qui ne veulent pas froisser, mais face à Courtine, le ton est plus acerbe. Écoutez Henri Gault y répondre. L'opposition de certains au mot « nouvelle cuisine », c'est probablement pas en effet, j'en conviens, parce que c'est nous qui l'avons mis en avant au début, c'est pas vraiment de la jalousie. Je pense que c'est plutôt le sentiment que ça peut bouleverser, que ça peut casser un ordre établi. Or, en cuisine comme ailleurs, il est dangereux d'aller trop loin, mais il est dangereux aussi de s'arrêter complètement. Et c'est cette espèce de crainte de vieux cuisiniers en général, et souvent de mauvais cuisiniers. On n'a pas parlé de quelqu'un ici, c'est Michel Guérard qui n'est pas ici aujourd'hui. Lui a inventé une chose considérable, c'est de faire de la cuisine légère et probablement diététique, si le mot n'est pas trop gênant, et de la faire très bonne. En cette année 76, si Pivot les invite, c'est que la messe est déjà dite. La grande cuisine d'Escoffier, celle de l'avant-guerre, n'est plus qu'un souvenir porté par quelques héritiers. En France, comme à l'étranger, la nouvelle cuisine française est déjà honorée. Les chefs voyagent, sortent de leur région et marient des goûts étrangers. Chacun de leurs plats est unique, individuel, il est une part d'eux-mêmes et de leur histoire. La force de Goemio, c'est qu'ils ont su donner un nom à ce changement. Compagnons de ce mouvement, ils ont été les amis de ces chefs, ont partagé leur table et les ont aidés à faire connaître leur cuisine au-delà des frontières. La tribune, comme les unes de presse, ne sont que l'aboutissement d'une révolution lente et silencieuse qui émerge tout au long des Trente Glorieuses. Mais du côté des fourneaux, en France, une autre révolution voit le jour. Alors que les grands chefs imaginent une nouvelle cuisine, plus proche de la nature, presque diététique, avec de nouvelles cuissons pour retrouver des goûts, des textures, un autre élément bouleverse l'alimentation des Français, et c'est un film qui l'illustre. Quelques mois après l'émission de Bernard Pivot, sur les écrans de cinéma, les Français découvrent en effet l'aile ou la cuisse. Dans ce film de Claude Zidi, le patron d'un grand guide, M. Duchemin, joué par Louis de Funès, fait face à M. Tricatel, chef d'entreprise d'une chaîne de restauration de nourriture industrielle, qui souhaite élargir son empire et se faire une nouvelle réputation en rachetant des restaurants reconnus, voire étoilés. Dans ce film, on s'interroge alors sur le goût des aliments, ce produit par la nouvelle agriculture bourrée de pesticides que la grande distribution achète à bas prix pour vendre toujours moins cher le steak, les légumes et les fruits, et bien sûr, qu'importe le goût et la santé des clients. C'est ainsi qu'en la presse célèbre la nouvelle cuisine française, les Français, eux, plongent dans l'alimentation low cost sans goût surgelé, farci d'additifs et de conservateurs alimentaires. En 1976, dans l'aile ou la cuisse, M. Tricatel perd la face. Mais dans la réalité, cette alimentation n'a-t-elle pas gagné ? Quelques années plus tard, les Trente Glorieuses laissent place aux années difficiles, celles que nous connaissons aujourd'hui. Entre Go et Mio, c'est la crise de couple. La vie à deux laisse parfois des aigreurs. En 1986, 6 ans après avoir eu l'honneur de faire la une du Time, Go et Mio se séparent. L'année suivante, ils vendent le groupe éditorial. Sans eux, le guide connaîtra plusieurs vies. En 2000, Henri Go meurt à table. Mais oui, ce jour-là, l'AFP unit une dernière fois les deux hommes en choisissant par erreur une photo de Christian pour illustrer la nécrologie d'Henri. Une chaise est désormais vide à la table des souvenirs, mais les mots des deux compères marquent encore toute une génération de chefs et de critiques. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Oh, aujourd'hui la nouvelle cuisine française. Non, vous n'êtes pas trompé d'horaire, vous êtes bien sur France Inter, mais vous n'êtes pas en fin de matinée. Voilà, vous êtes entre 15h et 16h pour Affaires Sensibles, dont l'invité aujourd'hui est François-Régis Gaudry. Bonjour. Bonjour Fabrice. Évidemment, les auditeurs fidèles de France Inter vous connaissent, car chaque dimanche de 11h à midi, vous présentez sur cette musique générique, on va déguster l'émission qui sort les crocs et passe au grill toute l'actualité de la gastronomie. Vous êtes également critique gastronomique pour L'Express. Absolument. Merci d'être là, ça tombe bien, parce que l'histoire de la nouvelle cuisine française, c'est, me semble-t-il, d'abord une histoire de critique. Est-ce qu'on peut dire qu'une nouvelle culture de la gastronomie est née de l'esprit fécond de deux critiques? Absolument, dans un contexte où la gastronomie avait envie de se libérer du carcan classique dans lequel elle était enfermée depuis que Auguste Escoffier avait codifié la cuisine au début du XXe siècle. Mais c'est vrai qu'entre l'œuvre de codification d'Auguste Escoffier à la Belle Époque et les années 50-60, la gastronomie n'avait pas tellement évolué, elle était un petit peu poussiéreuse. Et le projet de ces deux critiques que vous avez évoquées, c'était effectivement de désencrouter cette cuisine. La force en fait de ces critiques, c'est pas tant d'avoir inventé un style culinaire que d'avoir plutôt encouragé en fait une génération de chefs qui avait déjà pris le tournant. Qui avait déjà pris le tournant. Mais quelle force d'avoir su avoir le flair pour effectivement accompagner cette nouvelle génération dans leur espèce de mai 68 culinaire, finalement. L'idée, c'était de libérer les énergies, c'était également de se rebeller par rapport à cette cuisine classique, c'était de s'émanciper par rapport à leurs aînés. Et c'est vrai qu'à partir des années 60, beaucoup de chefs de cette génération étaient à l'œuvre, vous les avez évoqués. Bocuse, Trois-Gros. Absolument, les frères Trois-Gros. Michel Guérard a été très important, notamment dans son premier établissement à Asnières, le Pot-au-Feu. Voilà un petit bistrot où il a inventé notamment un plat qui est désormais un plat culte et qui a fait le tour du monde. C'était cette fameuse salade gourmande. Petite salade de haricots verts, cuit al dente. Il fallait absolument pas trop cuire les légumes, il fallait raccourcir les cuissons. Vous l'avez dit, ne serait-ce que pour préserver les qualités nutritionnelles, les sels minéraux des aliments. Et il a eu l'idée, ce Michel Guérard, que je trouve formidable, qui est encore d'ailleurs au fourneau, à Eugénie-les-Bains dans les Landes, eh bien, il a eu l'idée de remplacer la traditionnelle vinaigrette huile-vinaigre par des copeaux de foie gras qui jouaient le rôle en fait de la matière grasse et du vinaigre. Et voilà que le foie gras devenait une espèce de condiment dans une salade extrêmement moderne qui a vraiment suscité l'enthousiasme dans tout Paris et dans le monde entier. Mais le postulat de ces cuisiniers, il était diététique. Ils se sont aperçus que les gens mangeaient moins en quantité. Il y a un siècle, les repas du Moyen-Âge, c'était pas ta gruélique. Aujourd'hui, là, on mange de moins en moins. Donc, est-ce que c'est la situation qui les a fait changer ou est-ce qu'eux avaient des convictions diététiques ou les deux, je ne sais pas. Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement une prise de conscience de ces chefs de la nouvelle génération dans les années 60 qui considèrent que la cuisine telle qu'elle est pratiquée dans les grands restaurants était beaucoup trop riche, trop opulente. Oui. Pleine de matières grasses, avec des roux, c'est-à-dire ces sauces qui sont faites avec de la farine et des fonds de veau, etc. Et que tout cela était extrêmement lourd. Et que dans cette modernité des Trente Glorieuses, faut quand même se resituer dans une époque où effectivement on a une volonté de manger plus sainement. La diététique s'en mêle d'ailleurs. L'un des 10 commandements que vous avez cité concerne directement la diététique. Le chef doit s'intéresser à des préceptes de diététique et c'est très important à l'époque. Et puis il faut le se mettre aussi dans la situation, vous avez évoqué L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, oui. Où effectivement on assiste à partir des années 60, au début des années 70, à une industrialisation de la nourriture. Et certainement, il faut voir dans la nouvelle cuisine et dans cette volonté d'aller de l'avant de tous ces chefs, la volonté incontestablement de lutter contre cette industrialisation de l'alimentation. Tiens, puisque vous parlez d'un film, donc je pense à un autre, Le Grand Restaurant. Bien sûr. Où joue le grand Louis de Funès, qui n'a jamais autant brillé dans le rôle de celui qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Absolument. Extraordinaire. Oui. Et là, on s'aperçoit que le chef, le cuisinier, c'est pas la star. Alors, oui. Sauf avec Louis de Funès qui a peur de lui. Mais c'est le patron du restaurant, la oui. star. Et quand est-ce que ça change, que le cuisinier devient à la fois patron et devient star? Ça bascule vraiment à partir des années 60. Et c'est vrai que c'est important parce que souvent, on a tendance à réduire la nouvelle cuisine comme une révolution stylistique qui concerne vraiment le dressage, la façon dont on cuit les aliments, le choix des ingrédients dans une assiette. Alors que c'est en même temps une révolution sociale. Le statut social du chef évolue. Il y a tout simplement une volonté, il faut se mettre dans le contexte de l'époque où on est entre 65 et 75, c'est le dernier tiers des Trente Glorieuses, oui. C'est donc une période de prospérité où le chef dans un restaurant entend devenir propriétaire, alors qu'il est jusqu'alors en fait uniquement l'employé. C'est-à-dire que il répond aux ordres effectivement du patron restaurateur qui est lui la vraie star, alors que le chef est une espèce de soutier qui est d'ailleurs assez caricaturé. Les cuisines sont souvent situées au sous-sol. Il y a souvent la bouteille de gnôle sur le coin du fourneau. Le chef a pas très bonne réputation. Et le fait qu'il veuille tout d'un coup s'émanciper, devenir patron de son restaurant, ça veut dire qu'il est aussi finalement le dépositaire économique de son restaurant. Donc comme il a la responsabilité économique, financière de son restaurant, ça le pousse à devenir plus créatif, ça le pousse à se faire remarquer, ça pousse toute cette génération de chefs aussi à se tourner vers des cuisines plus personnelles, ce qu'on appelle des cuisines d'auteur. Alors, en 2000, comme le cinéma d'auteur, c'est amusant. Hein, absolument. La nouvelle vague, la nouvelle cuisine. En 2010, dans le cadre d'une série intitulée « À voix nue » d'Emmanuel Giraud sur France Culture, Christian Millau revenait sur ce mouvement dont nous venons de parler, la nouvelle cuisine française. C'est intéressant de l'écouter en 2010, c'est-à-dire 20-30 ans après cette apparition de la nouvelle cuisine française. Aujourd'hui, profondément, toutes ces préconisations, elles existent toujours, elles sont toujours là. Même si la cuisine évolue, ses bases évoluent. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un mouvement de rejet contre une certaine cuisine apprêtée, une cuisine pour les yeux. Alors, on peut dire beaucoup de choses, comme tous les mouvements, comme toutes les tendances, il y a forcément des abus, des appauvrissements, des mystifications, c'est absolument incontestable, mais on n'y peut rien. Hein. Dans un mouvement comme les mouvements de peinture, par exemple, les impressionnistes, il n'y a pas eu des bons impressionnistes. Hein. Il y a eu des grands et puis il y a eu ceux qui suivaient derrière. Alors, il est bien évident que très rapidement, pour des gens qui n'avaient pas véritablement de talent de faire simple, ben ils se sont mis à copier. Et ils copiaient les autres. Pas trop bien, en général. Les copistes ne sont pas les meilleurs. Qu'en pensez-vous, François-Régis Daudry ? Je crois que la nouvelle cuisine, comme l'explique bien Christian Millau, a été quand même assez victime de sa caricature à la fin des années 80, au début des années 90. Peut-être que l'erreur que ces deux critiques gastronomiques ont faite, c'est d'avoir justement voulu à nouveau enfermer la gastronomie dans des commandements, dans une codification. Un formatage. Exactement, dans un cahier des charges. Et ouais. C'est à partir de ce moment-là où, quand on finit par enfermer un peu trop la cuisine, elle a tout simplement envie de chasser le naturel, enfin le naturel revient au galop, et elle a envie effectivement de s'émanciper. Et le problème, c'est que la nouvelle cuisine à la fin des années 80 commence à devenir un peu caricaturale, tout simplement parce que les chefs, et même pas forcément des chefs étoilés, des chefs moins connus, y compris à l'étranger, ont envie effectivement de se mettre dans ce mouvement et ont envie de s'exprimer à leur tour. Et ils le font parfois avec un peu moins de talent que les grands Michel Guérard, Alain Chapelle et quelques autres. Et c'est vrai qu'ensuite on est arrivé à une caricature que Paul Bocuse exprimait très bien par cette expression que je trouve assez géniale. Il disait à la fin des années 80, la nouvelle cuisine, c'est rien dans l'assiette, tout sur l'addition. Et c'est vrai qu'on a un peu on a un peu cette image de la nouvelle cuisine, vous savez, des trois petits pois sous la cloche en argent. Absolument. Trois petits pois qui sont cuits d'ailleurs de façon très al dente. Et la nouvelle cuisine est devenue un petit peu une expression péjorative au début des années 90. Mais il n'empêche, là je suis d'accord avec Millau, que l'esprit de la nouvelle cuisine, évidemment, l'héritage de la nouvelle cuisine est encore aujourd'hui extrêmement vivace. On voit les cuissons, les aliments différemment depuis que la nouvelle cuisine a posé ses jalons. Et est-ce qu'il y a, si je puis dire, des réactionnaires aujourd'hui qui disent non, la nouvelle cuisine, c'est oui, ça existe encore. Il faut s'en émanciper. Mais d'ailleurs, il y a un double effet de la nouvelle cuisine en fait dans le paysage gastronomique français. C'est d'un côté, vous avez aujourd'hui les héritiers directs de la nouvelle cuisine qui ont revendiqué cette nouvelle cuisine et qui l'ont appliquée ensuite à leur manière. Mmh. Quand vous prenez les grands chefs aujourd'hui qui font parler d'eux, d'Alain Ducasse à Michel Troisgros, l'héritier direct des frères Troisgros, mais également Olivier Rollinger, Michel Bras, Pierre Gagnère, etc., ou Alain Passard, évidemment, qui est le fils de cuisine d'Alain Sandrin, ce qui a beaucoup compté dans la nouvelle cuisine. Voilà des chefs qui, à partir des années 80-90, appliquent véritablement les préceptes de la nouvelle cuisine, alors avec à leur manière, avec d'autres nouveaux produits, etc., mais sont finalement les fidèles lieutenants qui poursuivent l'œuvre de la nouvelle cuisine. Mais le paradoxe, c'est que la caricature de la nouvelle cuisine à la fin des années 80 a aussi engendré, comme vous le dites, une réaction. Et il y a un certain nombre de chefs, et c'est en cela que la gastronomie française est très intéressante depuis les années 90, c'est que vous avez une génération de chefs qui, au contraire, ont voulu retourner, faire en quelque sorte de l'archéologie culinaire, retourner bien avant la nouvelle cuisine, et se sont mis à réinterpréter des sauces, mais de façon plus légère, ont exploré à nouveau l'œuvre d'Auguste Escoffier, ou des chefs et des codificateurs que tout le monde a oublié comme Édouard Ninon. Mais un chef comme Édouard Ninon, par exemple, chef du 19e siècle, qui est considéré évidemment par Goemio comme un classique parce qu'il pratique les roux, il pratique des plats extrêmement classiques, eh bien il y a aussi une frange de la gastronomie française qui a voulu se tourner vers ce classicisme qui est aussi intéressant. Donc aujourd'hui, on est dans une espèce de paysage un peu à plusieurs visages, protéiforme, et c'est peut-être ce qui fait aujourd'hui la richesse de la gastronomie française. Est-ce que la critique avant Goemio était moins audacieuse, plus révérencieuse qu'aujourd'hui ? C'était quoi la critique à cette époque ? Très clairement. Alors il faut quand même savoir que la critique après-guerre, c'était quand même une critique... qui d'abord était assez sulfureuse pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a eu un phénomène très clair, c'est que les journalistes pendant la collaboration, qui s'occupaient notamment des affaires internationales et des affaires politiques, et qui ont été suspectés de collaborationnisme pendant la guerre, ont été, à la fin de la guerre, écartés dans leur rédaction et placardisés en quelque sorte dans les colonnes d'art de vivre, les rubriques voyage, les rubriques gastronomie. Ce qui fait qu'on avait effectivement des gens plutôt réactionnaires, qui tenaient dans un coin sans trop faire de bruit, sans trop parler de politique, qui tenaient effectivement les pages restaurants des journaux, et c'était la caricature du journaliste un peu bedonnant, qui se tapait la cloche, souvent à l'œil, qui écrivait, comme vous l'avez dit, des critiques avec un style extrêmement pompier, très boursouflé, et je crois qu'il y a eu une volonté d'ouvrir les fenêtres parce que ça sentait un petit peu le renfermé, et effectivement, les journalistes Goemio, avec leur style percutant et surtout aussi leurs accointances avec les Hussards, le groupe littéraire de l'époque, ont voulu porter un nouveau regard journalistique et littéraire sur cette cuisine. Donc Pivot aurait pu ajouter à sa collection de nouveaux et de nouvelles la nouvelle critique. Absolument. Alors, il faut toujours rappeler aux gens, on pense que les critiques ont trop de pouvoir, et que ce soit d'ailleurs pour le cinéma, le théâtre, la cuisine, il faut toujours rappeler aux auditeurs, notamment, que s'il n'y avait pas de critique, ce serait le règne du marketing, hein, ce serait le règne du plus fort. On est assez d'accord. Celui qui a le plus d'argent, qui peut comme ça faire sa pub. Ben non, justement, il y a au milieu, il y a un média qui s'appelle le critique. Sauf que, évidemment, ça a les défauts de ses qualités. Ça peut être aussi une sorte de dictature. C'est à double tranchant, on est bien d'accord. La critique gastronomique est un contre-pouvoir très intéressant. Si vous prenez l'exemple de Goemio et du guide Michelin, par l'espèce d'émulation saine ou de stimulation qu'ils ont opérée sur le milieu des chefs, il y a eu incontestablement, ils ont façonné le paysage gastronomique français, ils ont poussé les chefs vers l'excellence. On prend souvent la critique gastronomique du mauvais côté avec des critiques qui peuvent être assassine. Il y a aussi une critique bienveillante à juste titre qui encourage les chefs à davantage créer. Bon, après, c'est effectivement un couteau à double tranchant, et il y a aussi cette critique qui peut être très brutale. Qui peut engendrer des drames, oui. Et vous voyez où je veux en venir. Cette émission s'appelant Affaire sensible, il y a eu une affaire vraiment sensible dans la gastronomie française, puisqu'en 2003, le grand chef Bernard Loiseau, son restaurant est à Saulieu, en Côte d'Or, donc connu de tous, se suicide. Donc, on va écouter un extrait d'un reportage de France 3 au lendemain de ses funérailles, avec les réactions de Paul Bocuse et de Marc Vera. Alors Marc Vera, autre grand chef étoilé, au sujet de cette polémique sur le rôle qu'aurait joué la critique dans ce drame. L'homme avait donc d'ubiquité. En cuisine, en salle, devant ses actionnaires, dans les médias, Bernard Loiseau était partout à la fois. Un peu trop peut-être. Ces derniers temps, ses amis le disaient fatigué, déprimé. Mais surtout, le guide Goemio venait de le rétrograder de 19 à 17 sur 20, ce qui l'avait beaucoup affecté. Moi, je dis Goemio y a participé, parce que si vous voulez, pourquoi lui enlever 2 points? Parce que si vous voulez, est-ce que c'est un coup médiatique? Est-ce que, vous savez, est-ce qu'on mérite 18? Est-ce qu'on mérite 18,5? Est-ce qu'on mérite 19? Est-ce qu'on mérite 20 sur 20? Est-ce qu'on mérite 13? Est-ce qu'on mérite 10? Pour moi, c'est très subjectif, ça. Il a dit, si un jour je perds quelque chose, je me suicide. Donc, voilà. Un avis que ne partage pas le cuisinier Marc Vera, autrefois malmené par les guides, il vient d'obtenir 20 sur 20. On a fait en sorte que les guides gastronomiques fassent partie du paysage gastronomique français, ainsi que les critiques gastronomiques. Ça, on l'a voulu depuis le début. On en a tiré parti à certains moments, et je pense sincèrement que ce n'est pas les 2 points du Goemio qu'on puisse pousser à l'extrême Bernard, parce qu'il était au-dessus de tout ça. François-Régis Gaudry, vous avez écrit, je crois, sur cette affaire. Oui, vous avez travaillé sur cette affaire. Sur cette affaire pour l'expression. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une affaire assez complexe, mais la réalité est certainement plus complexe que ce qu'on a bien voulu nous faire croire à l'époque. Il est vrai que Goemio, on peut considérer qu'ils ont une responsabilité, que ça a été un coup très dur au moral de Bernard Loiseau, dans la mesure où, quelques semaines avant qu'il se suicide en février 2003, rétrogradation de 19 sur 20 à 17 sur 20, coup au moral terrible. Mmh. Et tout le monde à l'époque tombe à bras raccourcis sur, évidemment, Goemio. Ensuite, on s'en prend à François Simon, le critique du Figaro, qui, il est vrai, avait écrit une critique tout à fait assassine, mais qui disait, ou qui plutôt écrivait tout fort dans le Figaro, ce que tout le monde pensait tout bas. À savoir que Bernard Loiseau, à l'époque, qui était quand même victime d'une crise d'inspiration, il faut quand même juste replacer le contexte. Bernard Loiseau... Il s'est éparpillé un peu, il était homme d'affaires. On pouvait même considérer qu'il était un peu un golden boy de la gastronomie, et peut-être aussi, on voyait là les dérives d'un star system qui occupait tous les chefs à l'époque. Mais c'est vrai que Bernard Loiseau multipliait les ouvertures d'adresses à Paris, avait investi des sommes colossales dans son restaurant de Saulieu. On voyait son effigie également sur des plats cuisinés dans les supermarchés, on le voyait sur les plateaux de Michel Drucker, on l'entendait sur RTL, enfin, il était absolument omniprésent. Il racontait même que quand il descendait les Champs-Élysées, il pouvait pas faire 2 mètres sans signer un autographe. Je pense qu'il a tout simplement pas supporté cette espèce de pression. Mmh. Il y a eu aussi une menace du guide Michelin qui lui a sévèrement remonté les bretelles quelques mois avant sa mort. Et après, il faut évidemment tenir compte du contexte personnel. Voilà un chef que sa femme décrivait comme maniaco-dépressif à l'époque. Aujourd'hui, on dirait bipolaire. Et c'est vrai que Bernard Loiseau oscillait entre des périodes de grande euphorie et tout d'un coup, il y avait une espèce de détresse profonde et il n'a pas résisté à la pression. De toute façon, après, nos explications s'arrêtent à partir du moment où, quand on parle de suicide, on parle de la team et qu'il y a forcément des raisons qui nous échappe. Tout à fait. Rapidement, la cuisine moléculaire, pour vous, c'est quoi? La cuisine moléculaire, elle est née il y a quelques années, mort de sa belle mort également. Je pense qu'elle ne laissera pas des traces énormes. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que Ferran Adrià, qui a été un grand génie, vraiment quelqu'un de génial, qui a créé la cuisine moléculaire à Rosas en Catalogne, se revendique lui-même de la nouvelle cuisine. Mmh. C'est-à-dire qu'avant de faire ses prouesses qui ont ébloui le monde entier dans sa petite crique en Catalogne, il avait voyagé dans toute la France pour découvrir la cuisine. La cuisine de Michel Guérard, la cuisine d'Alain Chapelle, la cuisine d'Alain Sandrins. Simplement, la cuisine moléculaire, l'autre problème, c'est que, à un moment donné, il y a eu une polémique, tout simplement parce que la cuisine moléculaire utilisait des additifs alimentaires qui ont rendu malades certains clients. Et ça a coupé court à ce grand mouvement. Mauvais souvenir. Il nous reste 15 secondes, François-Régis Gaudry. Dimanche, c'est Noël, dites-moi. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Une émission surprise avec des grandes voix de France Inter qui viendront cuisiner le réveillon à ma place, en fait, tout simplement. Très bien. Des producteurs amateurs de gastronomie, mais on garde la surprise jusqu'à dimanche prochain. Très bien, on la garde. Allez, ça marche. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la nouvelle cuisine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci beaucoup Fabrice Drouel. À demain 15h, on se remettra à la table des affaires sensibles avec les tueurs du Brabant, une des grandes énigmes criminelles des années 80.